Studio. Et voilà, et on est parti. En exclusivité mondiale, en direct live absolu, une soirée exceptionnelle, un événement cosmique qui n'arrive qu'une fois dans une poussière d'étoiles. Mardi soir, venez retrouver Michel Vedette qui va venir passer ses galettes. Ouais, c'est Michel. Ouais, Michel. Voilà, c'était ton jingle. T'es content? Ouais. T'aimes bien ce jingle? J'aime bien qu'on travaille pour avec moi. Avec Champs-Élysées, tout ça dessus. Mais ouais, tu sais, j'ai fait Michel une danse. Druck. Il y a une danse qui va avec Roland. Ah bah oui, mais là, pas encore. Bientôt, on pourra voir sur la radio la vidéo. Pour commencer l'émission, je veux quand même te dire que je suis vraiment super content d'être avec toi, Joachim. Ah bah écoute, moi, ça me fait très très plaisir c'est aussi. C'est presque de l'amour, sauf que c'est de l'amitié. Ah écoute, moi j'ai une demi-molle, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, ça suffit de dire ça. Alors, ce soir, tu nous as préparé un certain nombre de sélections, j'imagine. Un set de DJ qui massacre tes oreilles. Ah, de DJ carrément. Ouais, parce que pourquoi quand on serait DJ, on passerait que de la musique branchée, nouvelle et dansante? Mais excuse-moi, juste que je rappelle les choses. Ce que tu fais, c'est ultra branché. C'est pas branché, c'est ultra branché. Ça dépasse le branché. Ouais, c'est donc, over, ça s'appelle over branché. Voilà, ça se veut genre un peu ménant, vous me comprenez pas tout ça, mais c'est over branché carrément. Mais ouais, mais je sais pas ce qui se passe. Tout ce qui est révolu, et t'aimes ce mot révolu. Pourquoi tu aimes? Parce que c'est parce la révolution. Parce voilà, c'est coupé du sion. Et le sion, je sais pas ce que c'est, mais c'est en trop. Voilà, donc tu es révolu, mais tu es hype, Michel. J'ai pas fait exprès, et c'est un malentendu. Et j'espère qu'un jour, je serai plus à la mode, mais ça viendra très vite. Non, je pense que tu seras toujours à la mode. sur ta tombe, l'épitaphe sera ouais. Toujours à la mode. Il a toujours été à la mode. Toujours. Toujours. Toujours à la mode. Ah ouais, c'est même carré. Mort. Même mais toi, mort. T'as fait de la pub, ça, je le sais, quand tu dis des trucs comme ça. Non, j'ai fait du design. Bon, du design. Ouais, t'as fait une grande école. Ok, d'accord. Moi, j'ai fait de la cuisine. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'écoute ce que j'écoute. Alors, on est dans ton émission. Michel Vedette passe ses galettes. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme 45 tours ce tu soir? Tu sais, j'ai quelques styles quand même qui sont assez spécifiques à ce que je passe régulièrement. Et tu sais, j'adore le disco fait par les grands de la variété française. Ouais, ça, c'est une de tes spécificités. C'est une de mes spécificités. Une de tes multiples palettes. C'est un thème que j'aime beaucoup, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, je vais commencer par ça, histoire de vous échauffer doucement nos oreilles et les guiboles. Voilà. Alors, c'est Jérôme qui s'y colle. Oh, merde. Putain. Mais ce qui est horrible, sachez, auditeur, que j'aime, c'est que je ne vois pas sa playlist. Je ne vois pas ce qu'il fait. Et donc, il me balance du C'est Jérôme tout de suite sur ma radio après qu'on ait passé du LCD Sound System, des trucs vraiment tu vas pas rechercher. Des trucs ringards de nos ennemis adorés, des Anglais, là. Non, ils sont américains. Passer du bon C'est Jérôme bien françouille. Voilà, allez, françouille. Françouille. Françouille, on alors, envoie ça, du C'est Jérôme. Et le titre est fantastique, c'est Disco Pirate. Allez, pirate. Regarde un peu le bassiste. Il a pas ses gants de boxe. Et si t'es pas raciste, il va te faire de l'intox. Écoute bien la batterie. Alors ce morceau a été enregistré dans une discothèque et on va tout de suite pouvoir... Tu m'entends là? Ce morceau a été enregistré dans une discothèque, on va pouvoir tout de suite s'en rendre compte. Compte. La faute à Voltaire, mais de la faute à Jay. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le disquaire du Tiny Club qui est en votre compagnie pour vous faire danser jusqu'à l'aube. En compagnie de notre sympathique animateur préféré, le séduisant Barkov, pour vous mesdemoiselles. Nous allons écouter ce soir de la music, Ok, de la new music. Ouais, tu balances bien tes hanches, t'as bien raison. Alors, j'ai pas pris le micro, mais ouais, mais attends, moi je suis à fond, là, je suis déjà en sueur. Si tu commences aussi fort, moi je vais pas finir l'émission avec toi. Hein. Ah non, après je vais redescendre, tu sais, c'est assaisonné de façon comme ça. Là. Tu zones, tu crées une ambiance. Non, j'assaisonne. Ah, t'assaisonnes, j'ai créé saisonné. Oui, on peut zoner la salade. Alors. Et donc voilà, donc ça c'était C. Jérôme. Ouais. Et c'était quel... Non mais c'est quelle année, c'est quoi? Raconte-moi un peu cette musique qui est très bizarre. Écoute, Disco Pirate, je crois que c'est, ça doit être 78, c'est la phase B de... Ah oui, moi, j'ai vous précisé que Michel Vedette adore les phases B. C'est tout l'intérêt des 45 tours, c'est de la retourner. Voilà, il n'écoutait jamais les faces A, mais que les phases B. Sur les faces A, c'est ce que t'entends partout. Et si t'avais juste une phase B et une phase C, t'écouterais la phase C, j'imagine. La phase C? Ouais. Putain, je crois que tu viens d'inventer un concept nouveau, quoi. Eh ben voilà. La triple face de disque. Voilà. Bon, non, mais on va être pertinent aujourd'hui. Hein. Ouais, surtout toi. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères un truc plutôt salace ou plutôt lounge? Salace. Ah, tu veux direct du salace? J'adore la salace. Aujourd'hui, ça va être assez sexe. Hein, Allez, très sexe. Moi, je suis très sexe. Alors là, c'est soyons très sexe ce soir. Moi, je veux être très sexe et j'ai envie d'être très sexe. Alors ça a été fait par Marc Arian, qui avait fait un morceau qui s'appelle « Bête à manger du foin ». Qui est le morceau favori de cet opportuniste de Ardisson. Opportuniste. Quand tu balances sur ma radio. Moi, je pense que je voudrais. Voilà, j'ai fait exprès. On se fait déjà des ennemis, merde. J'ai pas assez d'auditeurs pour ça. Vas-y, justement, comme il n'y a pas d'auditeurs, on peut genre se jouer. Attends, ils ont dit des trucs sur ma radio. Ah ouais, faut voir, je vais écouter. Pas mal. Ouais, c'est de la com. Ça s'appelle de la com. Et donc, ce groupe, il s'appelle le groupe Bidon. Bidon, allez. Voilà, le groupe Bidon. Et ça dit, ça demande où est-ce que t'as appris à faire l'amour comme ça. Pardon, ah bah oui, mais non, c'est pas ce que j'ai balancé. Ouais. Vas-y, balance, tu vas voir, ouais. c'est assez spécial. Où est-ce que t'as appris à faire l'amour comme ça? Oula la lune, oula la la. Où est-ce que t'as appris à faire l'amour comme ça? Oula la lune, oula la la. Solo de ch'touille. C'est où que t'as appris à faire l'amour, toi, Joachim? Dans un van. Ah ouais. Où est-ce que t'as appris à faire l'amour comme ça? Oulala. C'est pas fini, après il y a un solo de partouze. Je m'en fous. J'aime pas les partouzes. J'aime les choses à deux. J'aime pas partager. Il y a beaucoup de partouzes ce soir dans mes morceaux. Ah d'accord. Ouais, bon, on remet alors. Re-solo de Ch'touille. Non, solo de Ch'touille, c'est très rare hein, quand même. Ça groove, hein. Alors moi ça me fait penser à la musique un peu russe hein, tout ça. Franchement, Marc Arian est sûrement russe, ouais. Bah ouais c'est le c'est, mec c'est... est derrière ça. Et même à un moment donné où et tibia, il dit et tibia, ça veut dire c'est pas le tibia hein, tu penses pas au tibia, c'est toi. Et où est-ce que t'as appris l'amour à faire l'amour toi? Ah ouais, c'est vrai, toi t'es russe un peu. Ouais, je suis un peu russe. Non mais je vais juste par rapport à ça, je vais faire une petite pardon. Non, c'est pardon. Moi, je suis pas encore. Voilà, non, je veux juste faire un petit intermède culturel. Tu sais d'où ça vient le mot bistrot? Bistrot. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de mots de français qui viennent de tous les pays. C'est un pays international. Oui. Accueil international. Alors, mais tu sais d'où ça vient? Parce que à nos auditeurs, peut-être qu'ils vont apprendre un truc ce soir, et toi aussi. Bistrot, ça vient du russe. C'est bistrot. Possible. Ça veut dire vite. Bistrot. Dans l'ancien russe, hein, pas le nouveau russe, mais dans l'ancien russe, ça veut dire vite. Pourquoi ça veut dire vite? Et pourquoi on l'a adapté en France pour les cafés? Enfin, en tout cas, là où on sert de l'alcool. Parce que fallait vite se dépêcher avant qu'il y ait les flics qui arrivent. Pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin. C'est en fait l'histoire, elle est assez simple. Non. L'histoire, elle est assez simple. Lorsque la Prusse a envahi la France, à un moment donné, tu sais, l'Empire Prusse a envahi la France en 1800 et quelques, je ne connais plus la date exactement. Faites attention, on s'en fout. Ils sont arrivés à Paris, ils ont envahi Paris. Pas longtemps, hein, ça a duré quelques semaines. Le général et l'empereur ne voulaient pas qu'ils picolent, parce que forcément, l'armée prusse picolait à donf. Ils voulaient pas c'est comme picolent. Ça souvent qu'on perd des batailles voilà, après la bataille. Voilà. Et ils allaient dans ces cafés, les cafés français, et ils disaient bistrot, bistrot, pour dire vite, servez-nous de l'alcool. Ouais. Et c'est resté de là, bistrot. Ouais, ouais, bistrot, mais ça pète en même temps. Hein. Ah bah ça claque. C'est du marketing, tout bah, ça. Bien sûr. Voilà, tu donc, sais, auditeur, petite minute. Bon, c'est bien joli, bistrot, mais vedette. Tu sais, Michel, vedette, tu sais d'où ça vient, vedette? Non, vas-y. Bah, vedette, c'est le messie. C'est celui qui annonce quelque chose d'incroyable qui va se passer. Inutile de dire qu'on est le mal barré ce soir. Voilà, donc ça c'était la minute culturelle sur ma radio. Attends, la culture, pas... c'est comme la confiture. Non, alors allez. Non, il y a mieux maintenant. Ah, c'est mieux. C'est comme le caviar au connard. Oui, c'est ça, exactement. C'est à peu près la même chose. Ça veut dire la même chose finalement. Moi, je préfère. C'est comme donner du caviar au connard que de la confiture au cochon. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut remplacer cette expression française avantageusement. Auditeurs nombreux, restez et écoutez. Toute cette soirée sera parsemée de petites phrases culturelles. D'ailleurs, ça, on annonce Jean-Paul Starr qui va venir. Pointer ses... sûr, il va pointer ses gaffes, hein. Je pense. Il n'a pas encore sonné. Je crois que j'ai passé un Demi Troussos la semaine dernière. Oui, c'était From Souvenir to Souvenir, espèce de morceau qui te fait penser d'être sur la plage le soir d'été. Ben, là, c'est lui. On ne savait pas que c'est lui. Encore Demi Troussos, mais putain. Ouais, mais là, tu reconnais vraiment pas. C'est... Ah, d'accord. Là ça doit être sa période disco. Bah oui, évidemment. Mais c'est disco lounge. Là, tu peux t'allonger sur ton sofa ou tu peux lounger. Ah, mais on n'a pas dit qu'on arrêtait lounge en 2000. Lounge, ça n'existe plus. Ah, ouais, non, mais pas le lounge que moi je passe. Lui, il est indémodable. Comme moi, en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. L'épitaphe. Toujours à la mode. quoi ? Je sais qu'un jour je finirai ma carrière sur scène. T'as envie de parler. Et j'ai trop vu des gens devenir alcooliques parce qu'ils pensaient qu'ils seraient meilleurs sur scène avec de l'alcool. La suite de la conversation a commencé par putain, mais t'es ivre. Michel, t'es ivre. Il est ivre et je pense qu'il assurerait ivre, mais en fait il assure moins bien ivre. Ah, mais non, mais c'est ce que je disais. Moi je suis bien meilleur à jeun. Enfin, je suis bon, mais. Je deviens pas bon quoi avec de l'alcool. Et c'est parce que j'ai développé dès le début de ma carrière pas d'alcool, pas de drogue dès que je fais la présence en public. Non mais l'alcool c'est pas de la drogue. Non, j'ai dit de l'alcool et de la drogue, j'ai pas mis dans le même sac. Ah d'accord. C'est pas les mêmes marchés économiques. Hein. Non, du tout. Pas les mêmes barons. Non. C'était quoi ça? C'était Miss Rousseau, c'est ça? C'était Miss Rousseau. Alors, ça doit être après son groupe. Comment il s'appelle, c'était un groupe? Oh, bah alors là, tu me poses une colle. Attends, c'est un Aphrodite Childs. Voilà. Ah, d'accord. Tu connais pas Aphrodite Childs? Non. Ah bah, eux, c'est les rois de la phase B, justement. Tu prends n'importe quel disque de Aphrodite Childs, 45 tours, ouais. Tu le retournes, la phase B, et t'as obligatoirement une balle atomique. Une balle atomique. Bah écoutez, à tous nos éditeurs, achetez du Demis Rousseau Aphrodite Childs. Et ben vous allez groover. Et après, il a travaillé avec l'un des 5 plus grands producteurs disco, ouais. En l'occurrence Alec Constantinos. Oui, c'est vrai. Et tu connais pas. Mais bien sûr que je connais. Et oui, parce que tu crois que le rock c'est bien, mais le frère de Dustin Hoffman, c'est vachement bien. Le frère de Dustin Hoffman. Non. en parlant justement de gros producteurs disco, ouais. Constantinos, certes, ouais. Mais Moroder. Moroder. Celui-là, tu le connais, évidemment. Ah, bien sûr, Moroder, ouais, je connais. Comme tout mec qui croit qu'il y a de la culture, mais tu non, connais non, Moroder. Non, non, j'ai que de la culture sur l'Empire Prusse. Ah, c'est... C'est une culture très limitée. C'est pratique. Voilà. Alors ça a été repris par un DJ branché dans les années 99-2000, je crois. Je me rappelle, c'était à l'époque où on avait fait ce magasin à l'épicerie. Enfin, je dis bon, j'avais rien à voir avec ça. Moi, j'étais l'homme à tout faire. Coursier. Ouais, bon. Vas-y, ils avaient utilisé la musique. Non, mais attends, ça sert à rien de balancer de la musique sur une radio comme ça, il faut parler. Ah bah oui. Tu sais que tout ce qu'on dit, toutes paroles sont directement gravées dans l'histoire de la radio. Non mais non seulement sont gravées, mais sont propagées sur l'entière planète qu'est notre Terre. Tel un virus insidieux. C'est pas un virus, hein, c'est de l'information. Ouais. Ouais. Je préfère les tartines au fromage. Ah bah alors, mangeons une petite tartine au fromage. Giorgio Moroder, je suis sûr que tu connais ce morceau. Enfin, c'est Giorgio Moroder ou ton autre con là? Non, là, ça c'est Giorgio Moroder qui arrive. Et je suis sûr que tu connais toi la version de DJ Cam. On va voir. Ah oui, je la connais, mais je connais cette version là aussi. Ouais, bah en même temps, ouais. Mais Giorgio Moroder, j'aime beaucoup. Ah bah c'est un. C'est un grand. T'enlèves lui, il y a plus un gros pan de la musique qui tombe. Hein. C'est sûr. S'appelle Attends. Juste Guillaume, la prochaine fois que tu fais ton émission tout simplement samplée, tu vas nous balancer quelques titres qui sont samplés par rapport à ce titre là, je pense. Puis tu demanderas à Michel parce qu'il pourra te donner quelques tuyaux. Voilà. Comment je frime, tu frimes. Sais que moi là-bas je suis né frimeur. Hein. Ouais, bah je et vais après, couper ton micro. Ça y est, je t'ai coupé ton micro. Ça t'arrête de frimer, on écoute Giorgio Moroder. finalement, c'est pas de mauvais bougre. Oui, un peu forte tête, mais... Oh, bah quoi, il est jeune, il a du sang, c'est normal, quoi. Ouais, oh, c'est un bon gars. Et quel putain d'attaquant! Alors, là, la grande classe, hein. C'était un petit jingle. Ouais, pour la personne, s'il y a une personne qui sait de quel film c'est tiré, il gagne des pins. Eh ben, la personne qui sait pas de qui c'est. Oh putain. Contre, alors lui, c'est ah, vraiment oui, donc... quelqu'un qui n'a même pas la peine qu'il vienne me dire bonjour. On parle de Michel Vedette ivre mort. Hein. Là, tel que je vous parle, Michel Vedette est ivre mort. Je crois que tu as besoin d'un morceau qui fait plus de 3 minutes, là, c'est ça? Ouais. Bon, j'ai un Pierre Bachelet. Allez. Ah bah oui, j'aime bien moi Pierre Bachelet. Mais tu sais que j'ai interviewé Pierre Bachelet. Allô ? En 2001. Mais pourquoi t'as interviewé Pierre Bachelet ? Parce qu'à une époque, j'étais journaliste à quart de temps, stagiaire. Pour qui ? Pourquoi ? C'était pour le magazine Clark. Ah oui, d'accord. Et Clark a fait un reportage sur Pierre Bachelet ? Bah ils étaient chiants parce que je leur proposais des super trucs, mais eux, ils étaient tellement branchés, genre... rock de Jones, rap de Jones. Que non. Qu'ils avaient toujours du mal. T'étais trop branché à l'époque. Mais... À l'époque, t'étais trop branché. Maintenant, je ferais plus ça. C'est... Bah je suis passé à autre bien chose. Sûr, t'as évolué. Eux, aujourd'hui, ils feraient Pierre Bachelet. J'ai passé 3 heures avec Pierre Bachelet. Ah, c'était un mec génial parce qu'il est mort maintenant. Ah, il est mort un an ou deux. Ouais. C'était vraiment un vrai mec. Bien sûr. Génial. Et il a eu. Moi, je l'avais interviewé principalement pour sa carrière de musicien, de films et d'illustrateur musical, hein, puisqu'il a commencé par ça. Il faisait des musiques de générique télé et de pub, et ensuite ouais. De films. Et d'accord. Après, il a lancé sa carrière mais de réalité. Ce qui est bien, c'est, ça me permet de faire une super transition. Tu ouais. Sais, une transition, mais transition à la Drucker, tu vois. Bien sûr, limite télévisuelle. où demain soir, je commence la première émission où j'invite des personnalités. Ah bon, mais ouais, dis-moi plus. C'est l'émission qui s'appelle Les musiques de ta vie ou Les musiques de ma vie. J'aime bien le titre. Voilà, Les musiques de ma vie. Et demain soir, donc chaque semaine, chaque mercredi soir, il y a une personnalité qui va venir et qui va balancer une dizaine de titres et qui va expliquer pourquoi. Demain soir, c'est Thierry Cliffard, réalisateur, qui vient parler de 10 chansons qu'il a sélectionnées pour ma radio. Et on connaît ton réseautage sur Paris et je sais que tu vas nous ramener du lourd. Ah, oh, peut-être, on verra. Ça commence, c'est le début. Alors, il avait fait Pierre Bachelet, pardon, excuse-moi, je coupe. Non, mais c'était juste la transition, non, en fait, comme ça, je parlais du. Non, mais j'avais dit une phrase qui sert à rien, là, en fait. En ce qui concerne Pierre Bachelet Pierre Bachelet avait une musique d'un film que personne n'a vu, moi-même, je ne l'ai même pas vu. Sûrement très bien, je crois que c'est avec Marie Laforêt et le mec qui joue dans Men in Black, comment il s'appelle? Will Smith? Non, l'autre. Non, il y a. Non, les... Pierre Bachelet. Non. Will Smith était pas né. Comment il s'appelle l'autre? L'autre, c'est vieux. Harvey Keitel, non, c'est pas Harvey Keitel, c'est l'autre encore, merde. Quel visage buriné. Ouais, je vais engueuler, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, t'as bossé dans le magazine. Mais oui, mais cinéma, je sais, je vois très bien qui c'est. Il a gagné un Oscar. Bon, enfin, bref. Et un Oscar il y a pas longtemps. Moi, j'aime le mot lover. Putain, je suis nul. Je vais m'en souvenir. Attends. Non, on s'en fout. C'est sans intérêt. Ouais. Moi, j'aime le mot lover. Et puis, j'aime le mot romantique. Et Pierre Bachelet, il a fait une chanson qui s'appelle Romantic Lover. Et c'est vachement bien, tu vois. Vas-y, on voit. C'est un peu dansant aussi. Hein. Ah oui, tu peux danser. Et si t'es deux, tu peux danser à deux. On va essayer. Attrape la main de ton partenaire, voilà. Si t'en as un, là, sous la main. Tommy Lee Jones. Voilà, il s'appelle Tommy Lee Jones. On s'en branle, mais alors. Non, c'est Tommy Lee Jones. Yeah. Attends, j'ai un petit jingle. T'as un petit jingle. Bon, ouais. On écoute ton jingle alors. Je vous dérange? Ça dépend pourquoi. A-t-on déjà satisfait tous vos caprices sexuels? Non, justement. Vous tombez bien. Il paraît que Mato fait beaucoup plus d'audimat que moi. Bah ouais, et c'est en fonction de ça que je vais maintenant sélectionner mes intervenants, bah ouais. Mais bien sûr, mes animateurs. En fait, c'est parce que je dois prendre une voix plus grave comme ça quand je parle, je pense que ça joue. Parce que ouais, Mato, il a une voix un peu de lover. Il a une voix de lover, comme la mienne. Alors que j'ai une voix de lover. Mais ouais, je sais. T'aimes ma voix de lover ou pas? Ouais. Bon, on va pas dire mi-molle toute la séance. Non, mais arrête de me regarder comme si ma bite avait un goût quand même. Ça, c'est censé être drôle. Non, c'est une vraie expression. En fait, toi, t'es un lover, t'es pas un funny guy. No, I'm not a funny guy. No. Okay, let's do it in English now. Yes. Yeah. So what we're going to listen just next? J'ai cru understand that you like les pornos poilus. Ah, j'adore les pornos poilus. Les pornos poilus des années 70. Bien sûr. Eh ben, il y a eu quelques stars du porno qui ont fait de la chanson. Quand je dis ça, ça fait un peu vraiment ringard, quoi. Qu'on fait de la chanson. Ouais. Des stars poilus des années 70. Eh ben, c'est André Atrou. Demis Roussos. Demis Roussos, il était star du porno ou pas? Non, il était poilu. Voilà, c'est ça. On peut pas être tout à la fois. T'es sûr que t'as le droit de manger quand tu parles au micro? Moi, je crois que je fais ce que je veux, c'est ma radio. Ah ouais, t'as raison. André Atrou. Bon, en français, ça marche pas. Mais en anglais, ça veut dire André à vrai. Mais en français, je te rassure, ça marche aussi. Alors, André Atrou, elle a créé son groupe. Ça s'appelle André Atrou Connection. In English, c'est André Atrou Connection. Ah là là, bah en français, ça marche. Elle a fait une soixantaine de films porno entre début des années 70. Et elle a quand même classé un number one et quelques hits. Excuse-moi, j'ai un coup de téléphone, continue. Et ça, c'est son troisième hit, juste avant qu'elle ait de hits. Ça s'appelle You Know My Name, You Got My Number ou un truc comme ça. Je sais pas, faut écouter la chanson et on a le titre. Enfin, c'est intéressant de savoir que c'est pas suffisant de connaître le nom, il faut aussi avoir le numéro de téléphone déjà en 1976. Ton number. Qu'est-ce qu'elle lui arrive à cette nana là pour qu'elle gueule comme ça? C'est très bizarre quand même. C'est une nana. Non, mais c'est pas parce que c'est une nana qu'on gueule comme ça. Ah bon? C'est pas c'est suffisant. C'est hyper misogyne ce que t'es en train de dire. Mais moi je suis misogyne. Ah, c'est pour ça que t'as pas de meuf. je traduise. Elle est en train de dire je me suis réveillé, tu étais à côté de moi. Oh, Joachim à côté de moi. La journée commence trop bien. Non, non, moi j'ai jamais passé cette nuit avec cette fille-là. Hein. Moi je suis amoureux. Voilà, j'ai ta pas gueule. Besoin. Bah ouais. Ferme ta gueule. Ah, bah ouais, t'es triste. Aigri. Aigri. C'est mon style. Alors, si toi aussi tu as un name et un number, enfin, tu vois ce que je veux dire. Joachim, il remue des épaules. Bah, je remue pas seulement des épaules, je remue tout là, j'adore ce titre. C'est, ouais, c'est très bon ça. Hein. Ouais, ça, c'est dance floor. Ça quelle année ça, à peu près Tu connais pas les années, c'est si, ça ton gros si, problème je... c'est que tu... Non, non. Ça, alors, au contraire, je suis normalement vachement fort en années. Et quand quelqu'un est en face de moi, je suis capable de dire quelle année il est né. Et déjà dire quelle année il est né, c'est moi, déjà pas moi, évident. Moi, je dis quelle année je suis né. Toi, t'es né en... t'es bien le genre de tocard à être... pardon, t'es bien le genre de gars à être né en 70 ou 16. Putain, pas mal. Il est fort ce con. Oh, putain, il vient de me scier carrément. 76. Bien, ouais, c'est bien. Ouais. Tu sais, c'était ouais, je sais, t'étais beaucoup plus vieux, t'as 15 non, ans de plus. Non, il faisait chaud, je sais, tu t'en souviens. Moi, j'avais une chemise orange. Oui, tu t'en souviens de cette année-là. On sait que t'es plus vieux, tu étais un peu notre patriarche. J'en sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, tu mourras avant nous. Alors, qu'est-ce que tu nous envoies après? Non, parce que je vais tout cuire à l'eau. C'est ça. Cuire à l'eau, pas, hein. Égale 20 ans de vie en plus. Je te rappelle, ton épitaphe, toujours à la mode. Vous aviez adoré la semaine dernière Burt Blanca. Si, ah bah si, bon, vous aviez j'adore. Adoré. Burt Blanca, j'adore. Tu sais qu'il y a une fille qui nous écoute. Ouais. Je ne saurais la nommer parce que c'est une fille qui... Restons qui, dans l'incognito. Voilà, qui, voilà. Beaucoup plus... Restons incognito. Qui a adoré ta sélection et qui m'a demandé plein de titres que tu avais envoyés la semaine dernière. Bah, la semaine d'avant. Ah, mais deux semaines. Et du coup, tu n'as pas pu lui répondre parce que tu... Si, si, parce que je les avais. Tu me les as laissés. C'était à l'époque où tu me laissais tes trucs. Oui. Tu t'es fait gentil à cette époque-là. C'est fini ce temps-là. Maintenant, je les balance et je repars avec. Voilà, donc je lui ai envoyé, elle était ravie. Ah, c'est dégueulasse. Normalement, t'as pas le droit. C'est propriété. C'est totalement anti-déontologie totale. C'est des propriétés personnelles. Bah, oui, c'est pas fait pour être balancé comme ça. Ah ouais, bah, elle le voulait. C'est une fille charmante, hein, sache-le. Bah oui, mais moi, je le sais pas qu'elle est charmante, je la connais même pas. Moi, je te la présenterai. Oui, s'il te plaît, quand même, qu'au moins je perds pas tout comme dans cette histoire. Burt Blanca, le Elvis belge. Alors, j'ai recherché dans mes Burt Blanca et il y a un deuxième morceau que j'ai trouvé. Et n'importe quoi. Excuse-moi, juste pour rappeler à nos auditeurs que le mec s'appelle Burt quand même. C'est quand même les boules de s'appeler Burt. Ouais, bah, il y a des gars qui s'appellent... Salut Burt. Il y a des mecs qui s'appellent Dick. Hein. Non mais imagine, tu vas dans une soirée, salut, moi je m'appelle Burt. Ouais. C'est pas classe. Mais c'est l'époque, à l'époque on s'appelait Johnny, Dick. Non mais ça d'accord, Johnny. Eddie. Non, Eddie. Ouais, aujourd'hui on s'appelle Kevin. Non mais c'est pas mieux. Enfin, non, Burt. Mais quoi, Burt? Phonétiquement. C'est pas très joli. L'un des plus grands réalisateurs de Machin Poilu, il s'appelle Burt Brandary. Un nom inventé à la seconde, non, je vous rassure. We want rock'n'roll. Allez, envoie. Rock'n'roll. We want it. Burt Blanca, sur ma radio. Dark City. Ville sombre. Black leather jackets. Blouson de cuir noir. Ah, ce morceau permet d'apprendre l'anglais aussi, c'est bien. Moteur brillant and a wild exciting music, musique sauvage excitante. Rock and roll is back. Beaucoup de gens nous disent fou. D'autres nous crient voyous, mais nous au moins nous savons ce que nous voulons. We want rock and roll and nothing more. We want rock and roll and nothing more. Nous sommes faits pour ça, ne le voyez-vous pas? Ouais, voilà, le gars, il est con, il faisait que des reprises sur ses albums. Parce qu'il a, tu sais, cette espèce de... De Richard, non pas Richard Clayderman du rock'n'roll. Si, peut-être un peu. Polanka, le Polanka du ouais, rock'n'roll. Ouais, j'adore Polanka aussi. Ouais, mais c'est un mec qui faisait que des reprises aussi. Eh hein, ben Polanka. Lui, il faisait que des reprises rock'n'roll. Et des fois, sur ses albums, il y a quelques titres originaux qu'il fait lui. Et c'est ceux-là qui sont bien. Et ce con, il a pas fait, il faisait pas que des trucs de lui. Il aurait cartonné, ce gars-là. Oui, enfin, c'est, je pense que c'est pas lui qui décidait. Hein. Excuse-moi de te dire. Ah putain, c'est un complot, en fait. Mais non, c'est pas un complot. C'est con, mais quoi, la musique rock, c'est un complot, t'es pas au courant? Mais non, mais c'est pour laver le cerveau des teenagers. Nous sommes faits pour ça, ne le croyez-vous pas. Et tu sais que l'Amérique aussi, c'est un complot? Ah oui, oui, mais c'est oui, complètement. C'est pour laver le cerveau des cons. Ah bah non, mais non, ils sont déjà cons. De tous les hommes. Ah, d'accord. Ouais. Eh ben, on aura appris des choses ce soir hein, avec Michel Vedette. Dis-moi, petit jingle. Qui vous remercie de passer cette. Attends, remets le petit jingle. C'est Martine. Bonjour à tous. C'est Martine qui vous remercie de passer cette heure en sa compagnie. Ah oui, Martine. Ah, Martine, il faut qu'elle soit parmi nous, hein, Martine. T'as pas vu ce film? Non, c'est coquine. Hein. Oh, coquine. Coquine. voilà. Donc, alors, c'était Burt. Comment il s'appelle? Blanca. Burt Blanca. J'avais dit Burt Reynolds. Ouais, mais c'est pas... Moi, j'ai envie de faire l'amour. Encore? Mais ouais. T'arrêtes pas depuis le début. Ah bon? Bah oui. Mais je me rends même pas compte. Hein. Ah bah non, mais vas-y, alors, c'est quoi? On va écouter quoi? Ah, je serais pas du genre le mec collant, tu sais, qui colle là. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Bon, alors écoute, j'ai un morceau là, c'est génial. Tu mets ce morceau dans une soirée, ça n'a jamais été fait, je pense, parce que direct, ça part en n'importe quoi, tout le monde se met à poil. Et donc, je propose que tu te mettes à poil, si vraiment tu as envie, tu te caresses sur toutes les zones érogènes de ton corps. Vas-y. Ça y est, moi c'est bon. Vas-y. Ça y est, c'est parti. Oh, Michel. Là, c'est parti pour 4 minutes de sexe. Oh, Michel. En 3 minutes 12, pardon. En 3 minutes 12 de sexe. Oh, Michel. Jo, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, mais j'ai pas si facile que ça. Oh. Mais arrête. Mais elle est énorme. Oh oui, tu as vu? C'est une raquette de tennis. Retourne-la dans l'autre sens. Oui. Oh, oui. Oh, les balles de ping-pong. C'est un grand ami. Ah, les balles de ping-pong. 1982. Ah, j'adore. La mode des grands amis. J'ai envie de manger du cassoulet. Oh, du cassoulet. Oh oui. Ouais. Avec un peu de salade. La saucisse, du cassoulet. Ah, du cassoulet avec du chou. Mon chou. Oh, j'adore quand tu fais l'amour, Jo, t'es encore plus fou. Moi, la cuisine et l'amour, c'est la même chose. Mais t'as raison, mais t'as trop grave, ma soeur. Mais t'as grave, t'es co-grave, toi. Passe-moi un radis. Passe-moi un radis. Attends, arrête. J'arrête quoi? J'arrête la musique? Non, mais non, arrête de me tripoter. Ce morceau interdit aux moins de 18 ans s'appelle Fu, plus loin King. Passe-moi les chips. Le sel, d'abord. Oh, passe-moi les chips. Tiens, voilà les chips. Excuse-moi, mais là, on a l'impression qu'elles se font trucider, les meufs, en fait. Pas du tout. Mais attends, mais t'as jamais fait l'amour, quoi? Ah pardon, non mais ok d'accord, on fait pas pareil, excuse-moi. On fait pas l'amour de la même façon, excuse-moi. Clairement pas, non. Non, ça c'est sûr. J'ai bien vu que tu as utilisé une scie sauteuse, là je sais pas ce que t'as pris pour faire ton flyer. T'es pas bricoleur quand tu fais du sexe toi, remets le ballon, remets le son, mince. Tu sais qu'il y a un ronsin, il y a des ronsins à Vibray dans la Sarthe. Tu sais ce que c'est un ronsin? Oui, je te l'avais dit, je crois. C'est une race de cheval. Mmh. Mais il y a des ronsins à Vibray, justement à Vibray, il y a des courses de chevaux très connues. Ah ouais. course de chevaux, ouais. Non, non, de cheval. Pourquoi on devrait se laisser embêter par cette dictature du français comme il faut? Ça, c'est insupportable. Ouais. Et un jour, on manifestera dans la rue. Excuse-moi, il faut que je fume une cigarette après cet amour qu'on a fait ensemble. Alors vas-y, donc qu'est-ce qu'on écoute après, Michel la vedette? Pourquoi toujours écouter? Attends, Michel putain, on se remet Magic déjà de cette... vedette, je vous rappelle que c'est Michel Magic vedette sur ma radio, pour tous ces auditeurs qui ont eu le culot de nous écouter jusqu'à présent. Ouais, mais enfin avec les auditeurs, ils pourraient appeler d'autres auditeurs parce que là l'Audimat il a pas monté. Ah bah non, mais il pète pas le score avec toi hein, à l'antenne, hein. Tu vois, je vais changer d'animateur. Merde. Bah oui, je te l'ai dit. Et si je passe ABBA, c'est encore pire. Ah peut-être, tiens, viens pas lancer un ABBA. Moi j'adore ABBA. Eh ben ouais, alors celui-là je pense que tu le connais pas et pourtant il est vachement bien. Tous tes sons sont pourris. Hein. Ah celui-là est parti en pourri, c'est un 45 tours. C'est vraiment dégueulasse, c'est tout rayé. Il n'y a plus de place pour Joachim, c'est Michel maintenant. Il reste de la place que pour Michel. Voilà. Je suis chaud bouillant. Oui, je suis chaud bouillant. Oui, mais il n'y a plus de place. Oui, mais je suis chaud bouillant. Oui, mais moi aussi, mais il y a de la place. Eh oui, Michel. Ça, typiquement, ça sert à rien de dire des trucs pareils. Non, non, si, parce que moi, je visualisais ce que t'étais en train de faire. T'étais en train de danser sur cette musique. Bah ouais. Et donc, je le précise aux gens en disant « Eh oui, Michel !» Oui, c'est mes pieds, c'est mes pieds, c'est pas moi. L'émission qui se danse. Et Joachim vient d'inventer un danse de bras fantastique. Je vais lui piquer celle-là aussi. On va être obligé de rendre cette émission vidéo. C'est pas possible, il y en a marre. Ça sert plus à rien. Il faut passer à l'étape supérieure. Parce qu'on nous voit pas là. Bah oui, carrément, on nous voit pas. Chaud, bouillant. Toi, t'as déjà préparé la choucroute, t'es comme un dingue. Et moi, je suis en train de manger des chips. J'ai pas cuit trop les saucisses pour qu'elles soient bien dures. Voilà. Oh, mais t'es dégueulasse. Non, mais moi, je fais rien avec la bouffe. Bon. Non. Attends, je ferai jamais de l'amour avec toi. De l'amour, c'est avec toi, c'est de vraiment être pas avec moi. Non, bah, c'est en tout cas, c'est intéressant pour une personne. J'en suis déjà ravi. Franchement, le son de ce 45 tours, il est pérave carrément. Ouais, mais. D'ailleurs, qu'on entend que le grésillement. Mais c'est le son de l'époque. Remets le son de l'époque. C'est la fin de façon de ton titre de merde. C'était ABBA, comment il s'appelle? Je l'aime beaucoup en plus ce titre. Bah oui, Summer Night City. Bah, il existe en CD, mais je l'ai vécu en 45 tours, désolé. Bon, mais voilà. Au moins tu l'entends comme tu l'aurais entendu en 1978, à l'époque où il est sorti. J'avais 2 ans, je vous rappelle. Ouais, ouais. T'écoutais pas ça à 2 ans? Non, pas encore. T'écoutais quoi quand t'avais 2 ans? Les Beastie Boys. C'est n'importe quoi, ils n'existaient pas. Oh, je sais, mais j'ai écouté déjà. Moi j'ai écouté Les Compagnons de la Chanson. Ouais. Et Tino Rossi. Chacun sa merde. J'ai été élevé à ça. Chacun sa merde. Non, ouais. Moi c'était Joe Dassin. J'étais élevé à Joe Dassin. Joe Dassin ? Ouais. Mais ça c'était ton côté russe. Moi j'adore Joe Dassin. Je suis un dingue de Joe Dassin. C'est la plus grande star française en Russie. Est-ce que je peux balancer dans ton émission un titre de Joe Dassin ? Ça dépend lequel, parce que tu sais que je suis très pointilleux sur Joe Dassin. Parce que si tu me balances les Champs-Élysées ou, non, non, non, ou non. Siffler sur la cousine, ça non, n'a pas non, trop non, d'intérêt. Pas du tout, pas attends, du je te balance un petit jingle pendant que tu cherches ton Joe Dassin. Attends. Warriors, la partie commence. Warriors, la partie commence tout de suite. Warriors. Ça, je sais dans quel film c'est. Est commencé. Warriors. Trop fort. Warriors, la partie commence. Warriors, la partie est commencée. Le film qui a éduqué notre adolescence. Ah oui, oui, oui, moi j'ai adoré ce film. Et tu, moi j'ai revu récemment Classe 1984. Classe 84. Ouais, 1984. Ah bon? Ouais, 1984. Ok. Voilà, j'ai revu ça récemment. Je peux balancer Joe Dassin? Ouais, mais juste avant Warriors, tu sais, à chaque fois que ça passait, je me rappelle, et ça, ça a vraiment influencé la société française. Parle un peu en dessous du micro, tonton. Voilà. Je suis sûr que ce film, le Warriors, a influencé la société, le comportement de notre société. Tu en veux France. Dire les sauvageons? Parce que ce film, à chaque fois qu'il passait dans les années 80, d'ailleurs, il n'a plus passé à partir du milieu 80. Il passait plus. D'accord. Alors qu'avant, il passait sur TF1 le dimanche soir. Ouais. Et le lendemain, tous les mecs allaient rendre des barges et ils criaient dans la cour de récré « Warriors !» Tu penses que ça a façonné notre société? Je pense que ça... Ouais, je pense que ça a eu de l'influence sur... Bon, en tout cas, ce qui a façonné notre société, certainement, c'est Joe Dassin. On s'est aimé surtout, comme on... Et surtout l'amitié avec Franco-Russe, quand même. Voilà, et on s'est aimé comme on se quitte. Moi, je l'adore, ça. C'est ma chanson de rupture de ma femme d'il y a 10 ans. Je l'adore, cette chanson. Les ça me fait pleurer à chaque fois. Se suivaient, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. J'ai fait mon clip de rupture sur ce morceau-là. Pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tout tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Ouais, ouais. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du grand café va encore nous dire salut les amoureux. Allez, avec moi. Tous ensemble. On s'est aimé comme on se quitte. Louche, louche avec les yeux. tout simplement sans penser à demain. Fond de ta gorge. Oh, demain qui vient toujours un peu trop vite. C'est pas une idée de ça ? Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Qu'est-ce que j'aime. Alors, je tiens à vous préciser une chose. C'est que la vedette qui est à côté de moi, elle voulait pendant tout le morceau couper pour dire plein de choses sur ce titre. Mais oui, mais j'ai c'est... résisté. Je lui ai dit non, il faut la laisser en entier. Celle-là, elle est magnifique, elle est sublime. C'est des trucs qui accompagnent ta vie, ces trucs-là. Ah, mais moi, cette chanson, elle me rend dingue. Elle me fait. Tu vois, elle me fout la. Ça m'a permis de tenir, moi. Regarde. Là, j'ai la chance. Mais c'est à ça que sert la variété française. C'est à ça que sert la variété. C'est pour ça que les Français sont les meilleurs du monde. On me demanderait 10 titres. Aujourd'hui, et ben celle-là, elle voilà, serait dedans. Mais on a une espèce de, des fois de complexe face aux Américains, aux Anglais qui font la meilleure complexe, musique que nous. Moi, j'ai aucun complexe. Mais en variété, moi, on les nique, moi. Mais on les met minables. J'écoute Justice. On met le monde anti-minable en variété, tu mais sais. Bien sûr, mais pas besoin de te... Bon, on le sait, ça. Ah, hein. On le savait. Les Carpentiers, ils l'ont bien démontré, tu sais. Ah, je savais pas qu'on le savait. Bah si, regarde l'audimat des Carpentiers quand ils faisaient leur émission. Je ne connais pas ça. Les Carpentiers, tu connais? Si, mais je ne sais pas leur audimat. Ça existait déjà à l'époque, l'audimat? Mais ça explosait tout, bien sûr. C'est pour ça que ça a duré comme ça. Et c'était en direct. Mais c'était en direct. Ben voilà, comme et ce soir d'ailleurs, c'est en donc direct. Donc voilà, ça, la variété, c'est les trucs que tu mets quand t'es au bord du gouffre. Tu balances tout. Tu peux me redire le mot là, parce que t'avais une façon de le dire. T'es au bord du gouffre. Oh putain, voilà, t'es voilà. Vraiment au bord. Et là, heureusement, il y a Joe Dassin. Ouais. Ou Art Sullivan. Ah non, merde. Joe Dassin, restons sur Joe Dassin. Ah oui, si t'es un peu facile, tu mets Joe Dassin. Si t'es un peu plus vislard, tu mets Art Sullivan. Voilà. Et ça te permet de remonter la pente. J'ai l'impression d'être un con à côté de Michel Vedette. À chaque fois, il me prend de haut avec ses musiques à la con. Art Sullivan, tout ça. Nanana. Moi, je m'en fous. Moi, j'écoute Joe Dassin. Je t'emmerde. Mais t'as bien raison. Mais essaye Art Sullivan. Tu vois, c'est pas dégueu non plus. Non, j'étais éduqué à Joe Dassin. Je resterai Joe Dassin. Bon, alors. Puisque c'est comme ça, puisque toi t'es un mec qui est foncièrement rock'n'roll, tu aimes Gloria d'Evan Morrison ? Ouais, j'adore. Ou non, pas d'Evan Morrison, des M. Des M. Voilà, Gloria. Chanteur Evan Morrison. Ouais. Mais il y a encore une version qui, moi, personnellement, me fait remuer du popotin. Encore, tu piques sur mon émission qui s'appelle Pomme C. Hein. Ah ouais ? Ouais, mon émission de cover, enfin, ce qu'on appelle les covers en anglais, mais des reprises en français. Bah, moi, je vais faire Ctrl-Alt-C. Pomme C, allez. Non, Ctrl-Alt-C. Ok, d'accord, envoie cette... Gloria par Midnight Stud. Mais c'est qui groove le jeu, hein? Je vais te faire de toi un danseur, mais ouais! Mais moi j'adore ça. Hein. Ah, ça c'est imparable. Complètement kitsch et imparable. Allez, les refrains tous ensemble. My name is G. L. O. R. Yeah. I. Jump on point. Gloria, come on people, come on. Yeah, ta gueule. Laisse-nous danser en paix. Solo de synthétiseur. So good. Alors mais celui-là tu vas me le passer hein. Celui-là je l'adore carrément. J'en mais suis dingue. Mais tu peux pas. C'est impossible de pas danser là-dessus. Joe il a mis sa casquette en aérodynamie et là il est aussi con que moi maintenant. Il danse avec ses coudes. Thank you. Shabada. Je l'adore. Tu sais quoi, j'ai limite envie que tu le renvoies. J'ai envie que tu le renvoies encore une fois. Non, mais j'ai aussi bien derrière. Ah, mais tu veux pas le renvoyer encore une fois. Mais c'est enregistré, tu réécouteras. Tu écouteras sur quelle adresse d'ailleurs? Ah, moi je l'écoute toujours sur myspace.com/leçon de la radio. Mais sur si les podcasts. Tu veux le réécouter les podcasts, quand bien t'étais sûr, pas tu là, t'étais aux toilettes à ce moment-là. Leçondelaradio.blogspot.com. Leçondelaradio.blogspot.com. Tous les podcasts, le lendemain de la diffusion, vous avez exactement l'émission en entier que vous avez pu louper. Ouais, c'est ou vraiment pas louper. Dégueulasse parce que normalement ça devrait aller dans l'éternité et tu n'aurais plus le droit à accès normalement. Mais on n'a pas le droit de le télécharger, c'est juste à l'écoute. Et ouais. Voilà. Pierre Bachelet, he's back. J'espère que vous avez aimé ce titre parce que franchement, on se fout qu'ils aimaient. Moi, nous, on adorait. Ah, nous, on adorait. Nous, donc, on était en train de danser, chanter. Tu veux que les gens aient les mêmes sensations que toi? J'aimerais c'est bien. C'est important pour toi. C'est ça l'idée. Ah, non ouais. Enfin, toi, t'as appris à tes dépens que non. Mais... Moi, j'ai appris qu'il fallait en avoir rien à foutre parce que sinon, t'en vas être malheureux. Ouais, mais non, mais moi, je suis pas malheureux. Moi, j'ai l'impression que tout le monde aime ce que j'aime. Donc j'ai dit que c'était un peu partousesque cette émission. Ça, c'était pas du tout sexuel, ce qu'on vient d'écouter. T'es malade. Ah non, pas du tout sexuel. Non, je suis désolé. Mais ça te emmène directement droit en enfer, ça. Dans le trou. C'est ce que t'allais dire. On n'a pas le droit de se casser à l'antenne. Oh, la tronche que tu fais. Excuse-moi, non, c'est vrai, c'est vraiment nul de faire ce genre de truc. C'était donc ce soir la dernière émission de Michel Vedette. Donc t'as le temps, de toute façon, de nous balancer un dernier titre. Eh oui. C'est tout? Bah oui. Mais il est 8h, c'est jusqu'à 8h30. Non, une heure. Ah putain. Eh oui. Bon, alors la petite pierre de Pierre Bachelet, 203, c'est parce que c'est mieux à 3. Allez, on envoie. Ouais. Pierrot. Vas-y, Pierrot. Si vous êtes trois, vous pouvez vous montrer des doigts comme ça, c'est bien. On ira à Java, à Cuba, n'importe où. Elle est nous, là tous les trois, toi et moi. Toi et moi. Non, tu veux pas prendre. Non, tu écoutes, d'accord. Je fais la gueule. Je sais, je vois. Si jamais faut jamais se moquer d'un ami. Surtout un ami qu'on aime. En tout cas, jamais. Un ami qui se fait taffer, surtout. Hein. C'est comme ça. Tu veux qu'on règle compte à l'antenne? Ouais, parce que je veux pas que tu m'en veuilles, parce que je me suis moqué de toi de façon facile. C'était facile, ouais, parce qu'on se moque pas des attitudes des gens, déjà, on se moque sur une chose qu'ils ont dite, mais pas sur une attitude. Mais je trouve ça important d'avoir des choses à regretter. Mais tu veux pas qu'on et je regrette Pierrot, de m'être moqué de toi. Parce que moi, je préfère Pierrot. Si je te veux, tu la veux, elle me veut, elle m'a dit. À Bali, Tahiti, même ici, là tous les trois, toi et moi, on sera, si jamais, 203, en tout cas, jamais. C'est comme ça, 1, 2, 3. Si jamais on est fou, en tout cas jamais moi sans vous. Voilà tout. Si jamais on sans toi, en tout cas jamais sans moi. C'est comme ça. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Il est trop. Ah. Trop d'informations. À deux. Oh putain. Technique. Non. Ah. L'émission est terminée. Attends. Ça va reprendre. Mais l'émission est terminée. Non. C'est pas terminé. Ça va reprendre petit à petit. Voilà, c'est reparti. Excusez-nous pour ce petit décalage sonore. Mais de toute façon, l'émission était terminée. L'émission était terminée. Le monde peut s'effondrer maintenant. Voilà. Donc, c'était Michel Vedette en direct de ma radio. Avec merci, Michel. Avec mon adoré Joachim. Voilà, pour son émission hebdomadaire. Michel Vedette passe ses galettes. Il sera bien sûr de retour la semaine prochaine. Oui, avec un spécial Joe Dassin. Parce que, il y a intérêt. Hein. Ah, oui, je vais aller chercher des Joe Dassin de derrière. De derrière les fagots, tu non, veux de dire. Derrière. Bon, et ben merci Michel d'être venu et de nous avoir... Je peux mettre le générique final ? C'est toi qui balance le générique final ? Non, c'est toi qui vas le balancer. Attends deux secondes. J'avais envie de finir sur ce morceau que j'ai redécouvert des Earth, Wind & Fire, qui était le plus grand groupe en 1980. Vas-y. Ouais, c'est bien pour finir ça. Vas-y. Oui, c'est pour finir, quoi. Pour se dire au revoir. To wave the wave the hand. The wave, everybody's a wave the hand. Wave. Everybody wave. Wave. This was Michel Vedette. Attrape les mains. Attrape Michel les mains. Vedette. Oh, Michel voilà. Magic Vedette. Nous attrapons toutes les mains et on fait une grande ronde. Une ronde virtuelle sur le web. On s'aime. Aimez-vous les uns les autres. La violence ne mène à rien. Non. Ni l'amour. La danse, c'est pas mal. La danse, oui. Allez, c'était Michel Vedette. Et Joachim. Non, mais faisons-la comme ça. Voilà, c'était Michel Vedette et Joachim. Voilà, merci d'avoir merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain soir. N'oubliez pas l'émission Les Musiques de ma vie, avec comme invité Thierry Clifard, réalisateur de nombreux films, deux films jusqu'à présent, des courts-métrages, des choses comme ça, mais deux films. Un qui s'appelle Le héros de la famille, l'autre s'appelle Une vie à t'attendre. Et voilà, donc il sera là parmi nous demain soir à partir de 19h. Je vous rappelle aussi que l'émission que nous venons d'enregistrer, enfin pas d'enregistrer, mais qui vient d'être diffusée en live et qui est enregistrée également, vous pouvez la retrouver demain, à partir de demain, sur le podcast qui s'appelle Le son de la radio. blogspot.com où vous avez toutes les émissions que vous n'avez pas écoutées depuis le début de la diffusion de cette radio. Et moi, en tant que petit salopio, je le mets aussi sur mon blog. Il n'y a pas de problème. C'est là pour ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain et je vous laisse avec une super sélection toute la nuit. Je t'embrasse. Tout ça, c'est du 24h sur 24. Je t'embrasse. Salut. T'embrasse.